C'est l'histoire de Zoulou sur Paris qui se la pète en salopette. Pantalon retrouve, c'est jusqu'au genou. C'est chelou, j'avoue, ça me prend la tête. Tous test bufflant tout le temps. Les vrais groupes, la vraie loupe. Allez tous vous faire mettre, suce ma cassette, suce mon son, mon style, mon beat ou ma bite. Si ça t'excite, vos conneries, Kanye, Tommy, rien à foutre. La vie d'un nec dans l'enfer près de Paris n'est déjà pas une mince affaire. Tu te prends sérieux, moi je fais ce que je veux. Comme Francky Vincent, je suis le beau-père d'une tonne de tapettes qui rappe et se la pète. 97, voici Passy. Zoulette, baisse ton baggy, vas-y, sting dans la red dance. Baby, baby, bouge bien ton buste. C'est juste, j'ai vu ton Calvin Klein avec tes yo-yo. Oui, gars, tu représentes quoi, cogno? Si t'es underground, procède passer à la télé, ouais. Fais de la techno, tu feras peut-être plus de blé. Pour la basse, pour la classe, pour l'audace, le double espace. Ouais, ouais, et le 4 pour les races. Pour la basse, pour la classe, pour l'audace, le double espace. Ouais, et le catch pour les races. Mon, c'est ça, pour le leurre, j'mets pas de capote. Où j'me situe, direct dans son cul. Curieux, les mecs tournent au vent, donneraient même des styles sur WC. Nouvelle ou vieille école, beaucoup trop bufflant. Mon secteur A fait le mur, nous sommes l'école buissonnière. Ah mama, regarde ce que le rap a fait aux gars. La guerre, les carrières solo, clip vidéo, même les merdes sont super héros. Zorro ou zéro, plein de pâles copies pour pas déplaire aux idéaux. Aujourd'hui la mode est caille, tout cela joue caille. Alors ça met des crocodiles, donne des styles et deals. Moi je vins son lourd, une voix de velours, vomir sur les vautours. J'essaye dans un label, j'aime le style sexe, soleil, l'or, les Rolex. Être relax, prendre des risques sur remix. Un vivant peut jouer les morts, mais jamais l'inverse. Alors toi teste pas, rapace, si tu fais pas le poids. Pour la basse, pour la classe, pour l'audace, le double espace. Ouais, ouais, et le 4 pour les races. Pour la basse, pour la classe, pour l'audace, le double espace. Ouais, et le 4 pour les races. Zoulou Nation, moi je suis hors compétition. L'éducation, pour la masse j'envoie les tentations. Et en ce temps-là, j'étais là et alors. Aujourd'hui, je vais tout me permettre et être de ceux qui foutent à la chaîne, qui cassent les graines en graines, chiennes de vie. Je parle à mes amis et mes ennemis. Je me fous de tous les tu m'as vu qui critiqueront dans la rue. Le but c'est quoi? T'es dans la merde, t'en sors, t'ouvres la fenêtre, que les tiens puissent en être. Get c'est le dawa dans le périmètre. Bouge ton cul, tu crois quoi? Que Dieu Scarla aide tout le monde. Bande de bidons, moi quand je bande, je vais me faire lustrer vite fait. Je me prends la tête à tchatcher. Quand j'ai faim, je veux damer. McDo, pizza, calamassa, casaca si besoin. Je suis un damné condamné, ma folie va t'enflammer. Brûle vos faces, Zoulou type top, comme je brûle Spiff et Club. Pour la basse, pour la classe.